Grâce à toi, je suis heureux. Pour toi, mon Dieu. Par-delà les collines, le ciel s'embrasse, s'illumine. Tout est si merveilleux. Pour toi, mon Dieu. Un immense champ de fleurs, les prairies majestueuses du bonheur. Tant d'amour dans tes yeux. Pour toi, mon Dieu. La vie que tu m'as donnée, le cri de joie du nouveau-né. Nous serons réunis tous les deux. Pour toi, mon Dieu. Je chanterai ton nom, il résonnera au-delà des montagnes et des vallons. Mon âme brûle tel un feu. Pour toi, mon Dieu. Jamais elle ne s'éteindra. Je me blottirai